proposant en vain à Grandet un nouveau placement d'argent, Cruchot lui mit le journal sous les yeux en lui disant « Lisez cet article !» Monsieur Grandet, l'un des négociants les plus estimés de Paris, s'est brûlé la cervelle hier, après avoir fait son apparition accoutumée à la bourse. La considération dont jouissait Monsieur Grandet et son crédit étaient néanmoins tels qu'il eût sans doute trouvé des secours sur la place de Paris. Il est à regretter que cet homme honorable ait cédé à son premier moment de désespoir. « Je le savais, » dit le vieux vigneron au notaire. « Et son fils, si joyeux hier ?»« Il ne sait rien encore, » répondit Grandet avec le même calme. « Adieu, monsieur Grandet, » dit Cruchot, qui comprit tout et alla rassurer son neveu, le président de Bonfons. En entrant, Grandet ouvra le déjeuner prêt. « Vous pouvez manger, » dit Nanon, « l'enfant dort comme un chérubin. »« Laisse-le dormir, » dit Grandet. Il s'éveillera toujours assez tôt aujourd'hui pour apprendre de mauvaises nouvelles. « Qu'y a-t-il donc ?» demanda Eugénie. Madame Grandet, qui n'avait pas osé faire cette question, regarda son mari. « Son père s'est brûlé la cervelle. »« Mon oncle ?» dit Eugénie. « Le pauvre jeune homme !» s'écria Madame Grandet. « Oui, pauvre !» reprit Grandet. « Il ne possède pas un sou. »« Eh ben, il dort comme s'il était le roi de la terre !» dit Nanon, d'un accent doux. Eugénie cessa de manger. Son cœur se serra, comme il se serre quand, pour la première fois, la compassion, excitée par le malheur de celui qu'elle aime, s'épanche dans le corps entier d'une femme. La pauvre fille pleura. Jusqu'à mon retour, vous ne lui parlerez de rien. J'espère, Mme Grandet, dit le vieillard en continuant. Je suis obligé d'aller faire aligner le fossé de mes prés sur la route. Je serai revenu à midi pour le second déjeuner, et je causerai avec mon neveu de ses affaires. Quant à toi, mademoiselle Eugénie, si c'est pour ce mirliflore que tu pleures, assez comme cela, mon enfant. Il partira, dardard, pour les grandes Indes. Tu ne le verras plus. » Le père prit ses gants au bord de son chapeau, les mit avec son calme habituel et sortit. « Ah, maman, j'étouffe !» s'écria Eugénie quand elle fut seule avec sa mère. « Je n'ai jamais souffert ainsi. » Madame Grandet, voyant sa fille pâlir, ouvrit la croisée et lui fit respirer le grand air. « Je suis mieux, » dit Eugénie après un moment. « Ma pauvre enfant, » dit Madame Grandet, en prenant la tête d'Eugénie pour l'appuyer contre son sein. « Pourquoi l'envoyer aux Indes? S'il est malheureux, ne doit-il pas rester ici? N'est-il pas notre plus proche parent ?»« Oh, mon enfant, ce serait bien naturel, mais ton père a ses raisons. Nous devons les respecter. »« Le trouves-tu bien ?» demanda Eugénie. Madame Grandet ne répondit que par un sourire. Puis après un moment de silence, elle dit à voix basse. « L'aimerais-tu donc déjà? Ce serait mal. » « Mal ? » reprit Eugénie. « Pourquoi ? Il te plaît ? Il plaît à Nanon ? Pourquoi ne me plairait-il pas ? Tiens, maman, mets-toi à la table pour son déjeuner. » Eugénie donna du linge blanc, alla la chercher quelques-unes des grappes de raisin qu'elle s'était amusée à étendre sur des cordes dans le grenier. Elle marcha légèrement le long du corridor pour ne point éveiller son cousin et ne put s'empêcher d'écouter à sa porte la respiration qui s'échappait en temps égaux de ses lèvres. « Le malheur veille pendant qu'il dort, » se dit-elle. Elle prit les plus vertes feuillages de la vigne, arrangea son raisin aussi concrètement que l'aurait pu dresser un vieux chef d'office et l'apporta triomphalement sur la table. Elle fit main basse dans la cuisine sur les pots comptés par son père et les disposa en pyramide parmi des feuilles. Elle allait, venait, trottait, sautait. Elle aurait bien voulu mettre à sac toute la maison de son père, mais il avait les clés de tout. En voyant la table placée auprès du feu, l'un des fauteuils mis devant le couvert de son cousin, en voyant les deux assiettes de fruits, le cocotier, la bouteille de vin blanc, le pain et le sucre amassés dans une soucoupe, Eugénie trembla de tous ses membres en songeant seulement alors au regard que lui lancerait son père s'il venait à entrer en ce moment. Aussi regardait-elle souvent la pendule afin de calculer si son cousin pourrait déjeuner avant le retour du bonhomme. « Sois tranquille, Eugénie. Si ton père revient, je prendrai tout sur moi, » fit Madame Grandet. Eugénie ne put retenir une larme. « Oh, ma bonne mère, s'écria-t-elle, je ne t'ai pas assez aimée. »